Chapitre 35e. On nous dit que Madame de Lignol attendait ce moment. Elle sortit tout à coup de son cabinet où je la croyais endormie. Mon premier mouvement fut de repousser la marquise. Celle-ci, toujours étonnante dans les occasions pressantes, conserva plus de présence d'esprit que moi. Persuadée qu'il était trop tard, elle ne voulut ni retirer sa main ni changer de situation. « Vous m'auriez laissé dormir jusqu'à demain ?» dit la comtesse. Puis, regardant le vicomte, elle ajouta « Qu'y a-t-il donc ?»« Une palpitation. »« Mais vous pleurez. Est-ce que c'est dangereux, une palpitation ?»« Pas ordinairement. Dans son état, toute agitation peut être nuisible. » La comtesse m'adressa la parole. « Mon ami, vous sentiriez-vous plus mal ? Au contraire, je me sens mieux. Parce que tu me vois. Parce que je revois celle qui m'est chère. Celle à qui j'ai donné trop de chagrin. Celle dont la tendresse inquiète veille sur mes jours. C'est assez. » interrompit Madame de B, qui me serra la main. « Elle est payée de ses soins. »« Sans doute, je le comprends, » s'écria Madame de Lignol en m'embrassant. « Mais n'importe, laissez-le dire, il parle si bien. » Quoique la comtesse témoignât le désir de me faire causer, je gardais le silence. Et qu'aurais-je pu dire encore? Je venais de m'expliquer de manière que tout le monde avait été content. Personne ne le fut quelques moments après, car Monsieur de Lignol arriva beaucoup plus tôt qu'on ne l'attendait. Julien, dépêché vers lui, l'avait rencontré sur la route. Il demanda de mes nouvelles avec beaucoup d'empressement et d'intérêt, mais l'air dont il regardait la marquise ne laissa pas de m'alarmer. « Monsieur est un intime ami de Mademoiselle de Brumont, » lui dit la comtesse, qui s'aperçut comme moi de son inquiétude et de son étonnement. « Un ami, » répéta-t-il. La marquise se hâta de prendre la parole. « Un ami d'enfance. Monsieur est noble. Je suis vicomte. Vicomte de Florville. » Ce nom-là est nouveau pour moi. Peut-on savoir tous les noms? Sans me vanter, il en est peu que j'ignore. Il prit un siège et, regardant la marquise d'un air dédaigneux, il ajouta « Mais apparemment que votre famille n'est pas ancienne. Le grand-père de mon bisaïeul a monté dans les carrosses du roi. Ah, monsieur, je suis votre très humble serviteur. » Il s'est élevé et venait de saluer la marquise. « Vous paraissez bien jeune, » lui dit-il. « Je ne suis point majeur. » Ni prêt à l'être. Oh, j'y viendrai. Par quel hasard? Mais c'est que... Voici le fait, interrompit le vicomte qui vit l'embarras de la comtesse. Eh bien oui, dites-le, s'écria-t-elle. Voici le fait, répéta Madame de B. Depuis longtemps, mademoiselle me faisait espérer que j'aurais le plaisir de lui donner à dîner chez moi. Elle avait jusqu'à présent différé de me tenir parole, parce qu'il y a pour ainsi dire un voyage à faire. Où demeurez-vous donc? « À Fontainebleau. J'y passe 8 mois de l'année. J'ai un appartement au château. » Monsieur de Lignol s'inclina. Mais il prit la comtesse à part. Curieux de savoir ce qu'il lui disait, nous écoutâmes attentivement. « Madame, ce jeune homme-là n'est pas l'ami de votre demoiselle de compagnie. Que voulez-vous qu'il soit? Il est son amant, madame. »« Ah, l'excellente idée que vous avez là. Ne riez pas, madame, vous savez que je m'y connais. Je sais que vous le dites. » Et je crois qu'il faut veiller sur Mademoiselle de Brumont. Vraiment, monsieur, il faut y veiller de près. C'est mon intention. Ce vicomte est jeune, a une jolie figure, ne paraît pas manquer d'esprit ni d'usage. Je lui trouve je ne sais quoi de très distingué, et je l'ai vu quelque part. Il a tout l'air d'un séducteur. Monsieur, j'admire avec quelle sagacité vous pénétrez les gens en un quart d'heure. Voilà ce que c'est que de connaître le cœur humain, comtesse. Je crains que la petite Brumont ne soit déjà la dupe de ce jeune homme-là. Bon. Avant-hier, qu'est-elle devenue? Elle a passé la journée chez son père. En êtes-vous sûr? Oui. Mais hier, ce dîner à la campagne, cela ressemble furieusement à une partie fine, au moins. Je ne sais pas ce que c'est qu'une partie fine, monsieur. Madame, une partie fine, c'est une partie... C'était une partie fine, allez, je vous le dis. Expliquez-moi donc. Je vous l'explique aussi. C'est une partie à deux. Nous étions trois. Aussi, je suis persuadé que vous les avez beaucoup dérangés en y allant. Ai-je mal fait? Vraiment, vous auriez dû auparavant me consulter. Passons, monsieur. Madame, j'ai déjà plusieurs preuves du penchant que ce jeune homme a pour cette jeune fille. Voyons, vite. Ses yeux sont rouges parce qu'ils ont pleuré. Ses yeux ont pleuré parce que son âme est affectée. Son âme est affectée parce que sa maîtresse est malade. Donc il aime Mademoiselle de Brumont. Votre logique est pressante, monsieur. et il faut que son âme soit profondément affectée, puisqu'il n'a pas voulu deviner mes charades. Ne riez pas, madame, ceci est sérieux. Éclairez la conduite de votre demoiselle de compagnie, donnez-lui son congé pour toujours, ou ne la quittez pas une minute. Monsieur, mon choix est fait, j'aime mieux ne pas la quitter. Quant à ce jeune homme, je vais le prier poliment de s'en retourner chez lui. Non pas, monsieur. Mais, madame, point de mais, je ne le veux pas. Tant pis pour vous, madame, on vous attrape. Ces jeunes gens-là vous joueront quelques mauvais tours, je vous avertis. Un peu mécontent de sa femme, mais très content de lui, monsieur de Lignol sortit de l'appartement. La comtesse alors fit les plus vifs remerciements au vicomte. Vous m'avez, lui dit-elle, très habilement tiré de l'embarras extrême où j'étais. Vous êtes, après Faublas, le jeune homme du monde le plus spirituel et le plus aimable. Il lui répondit, « Croyez-moi, ne perdez pas votre temps à me complimenter. Vous êtes encore menacé d'un grand danger prochain auquel il faut songer à vous dérober. Le comte est ici, le baron doit y venir. S'ils se rencontrent, ils peuvent avoir une explication dont vous devez redouter les suites. Vous avez raison, mais quel parti prendre ? Faire dire à M. de Faublas de ne pas venir. Ah, je suis bien aise de le voir et de lui parler. Cependant, je prendrai la liberté de vous représenter. Tenez, monsieur, toute représentation est inutile. Si le baron ne devait pas venir, je l'enverrai chercher. En ce cas, trouvez donc quelque moyen d'écarter M. de Lignol. » Elle le fit appeler et lui dit qu'elle désirait quelques pièces de gibier. Charmé de la demande, le comte se hâta de dîner et partit pour la chasse. La marquise, alors tout à fait tranquille, alla prendre sur le lit de camp du cabinet la place que Madame de Lignol y occupait une heure auparavant. Il n'y avait pas un quart d'heure que la comtesse et moi goûtions les douceurs du tête-à-tête quand on vint rudement frapper à la porte. Figurez-vous notre surprise et mes craintes. C'était M. de Lignol, déjà revenu de la chasse. Il criait « Ouvrez, ouvrez vite !»« Je vous amène Madame de Fontrose. » »« Oui, Madame de Fontrose qui venait nous voir. » Je l'ai rencontré comme je sortais du parc. Quel bonheur !» La comtesse courait à la porte. « Un moment, ma chère Éléonore, un moment. Que je te dise, c'est Madame de Fontrose. Ne lui parle pas du vicomte. Pourquoi ? Parce que... Tiens, mon ami, j'aurais dû t'en prévenir plus tôt, mais j'étais si malade, je n'y ai pas songé. Le vicomte et la baronne sont ennemis jurés. Il paraît que Florville, qui lui a fait sa cour, n'en a pas été maltraité. Mais ils se sont fort mal quittés, ils se détestent. « Ouvre maintenant, car on frappe encore. Surtout, fais bien attention à ce que tu diras. Ne va pas parler du vicomte. »« Non, non, sois tranquille. » Le comte, en entrant. « Où donc est le vicomte ?» La comtesse. « Chut. » Le comte. « Plaît-il ? » La comtesse. « Taisez-vous. » La baronne, regardant Madame de Lignol d'un air étonné. « Est-ce que je vous dérange, comtesse ?» La comtesse. « Point du tout. » La baronne, à Faublas. « Eh bien, cette chère enfant, comment va-t-elle ? » Le comte. « Ce n'est rien, je vous dis, un peu de fièvre. » Faublas. « J'ai osé me flatter que mon père... » Le comte. « Monsieur, votre père est un homme fort étrange, mademoiselle. » Faublas. « Vous dites, monsieur ? » Le comte. « Comment ? Il m'aperçoit de loin. Le voilà qui tout à coup descend de voiture et s'enfuit à travers champs comme s'il eût vu le diable. On n'est pas sauvage à ce point. » La baronne. « Nous vous avons déjà dit 100 fois que monsieur de Brumont avait des affaires secrètes. » Le comte. Quoi, dans ma terre ? La baronne. Non, mais dans les environs. Le comte. Ah, chez monsieur de Florville, peut-être. La comtesse. Paix donc. Faublas. Vivement à la baronne qui regarde madame de Lignol d'un air étonné. Par quel hasard madame de Lignol est-elle dans ce pays-ci ? La baronne. La nuit dernière, un express est venu me dire que monsieur votre père avait le plus pressant besoin de mes services. Faublas. Ah oui, ma chère Adélaïde est-elle mieux ? La baronne, beaucoup mieux. La comtesse à Faublas, ne parlez pas trop, ménagez-vous. La baronne, comme une nuit l'a changé. Le comte, une nuit, dites plusieurs, madame, car ne vous y trompez pas, cette maladie-là vient de loin. Ces deux dames, pendant le premier voyage ici, n'ont songé qu'à se divertir, et Dieu sait comme on s'en est donné. Toute la journée courir dans le parc, revenir essoufflée, hors d'haleine, et recommencer ici. Madame, elle jouait comme deux enfants, elle se battait comme deux écoliers, pas un meuble ne pouvait rester en place. La nuit, oh, c'était bien autre chose, la nuit. La comtesse, en riant. Monsieur, comptez-vous apprendre à la baronne quelque chose de nouveau ? Le comte, sans l'écouter. La nuit, elle couchait dans la même chambre, et croiriez-vous qu'au lieu de dormir, elle ne faisait que chuchoter ? Elle ne faisait que ça. Ce que je vous dis, madame, il faut le prendre au pied de la lettre. Elle ne faisait que ça. Je les entendais bien, parce que, voyez-vous, nous ne sommes séparés que par cette cloison. Or, toute personne raisonnable conçoit que faire toute la journée beaucoup d'exercices et se fatiguer encore la nuit, c'est le vrai moyen de se tuer. Aussi, la comtesse, en revenant à Paris, s'en est-elle sentie fort incommodée. Des migraines, des maux de cœur. La baronne. Des maux de cœur, comtesse ? La comtesse. Bon, ce n'est rien. La baronne. Prenez-y garde. Le comte, enchanté. N'est-il pas vrai qu'il faut qu'elle y prenne garde ? Mademoiselle, plus fortement constituée, a résisté plus longtemps. Et peut-être que si elle se fût reposée chez nous, au lieu d'aller chez ce monsieur de Florville. La comtesse. Taisez-vous donc. Faublas, vivement à la baronne qui paraît encore très étonnée. Madame la baronne. La comtesse. Eh bien. Faublas. Un secret. Tout bas. Vous avez passé par Nemours. La baronne, à mi-voix. C'est là que j'ai trouvé monsieur votre père. J'ai laissé ma femme de chambre auprès d'Adélaïde. Le comte reprend. Oui, je crois que si elle n'eût pas dîné chez le vicomte. La comtesse. Il ne se taira pas. J'entends. Ces dames ne voulaient pas me mettre dans le secret. Il faut donc les avertir que j'y suis. Oui, je sais qu'elles ont dîné hier à Fontainebleau. Monsieur le comte me l'a dit. Faublas, faisant à la baronne un signe d'intelligence. Madame la baronne le connaît, le vicomte. La baronne, d'un air fin. Si je le connais. La bonne question que vous me faites là. C'est un joli garçon qui a de la tournure, de l'esprit. La comtesse bat à Faublas. Il me semble qu'elle n'en dit pas trop de mal. Faublas bat. C'est qu'elle dissimule. Attendez donc. La baronne. Le grand-père de son bisaïeul a monté dans les carrosses du roi. La comtesse bat. Tu as raison, je crois qu'il y a de l'ironie. Faublas bat. Sans doute. La baronne. Avec tout cela, je lui connais un terrible défaut. La comtesse. Ah. Le comte. C'est. La baronne. Au moins j'ai mon garant. C'est encore monsieur le comte qui me l'a dit. Le pauvre jeune homme n'est pas fort sur l'article des charades. La comtesse, riant aux éclats. C'est peut-être pour cela que vous lui en voulez. La baronne regarde la comtesse et le chevalier. Est-ce que je lui en veux ? Faublas lui fait un signe d'intelligence. Certainement. Vous êtes brouillé, allez-vous en faire un mystère ? La baronne, d'un air fin. Allons, nous sommes brouillés, j'en conviens. Mais c'est qu'en vérité, il a eu de grands torts avec moi. Faublas bat la comtesse. Vois-tu ? Oh, à la baronne. Je ne voulais pas qu'on vous parlât de lui, mais puisque monsieur le comte. La baronne. Oui, nous ne sommes pas amis. Au comte, après un moment de réflexion. Et franchement, voilà ce qui m'empêchait hier d'accompagner ces dames, car elles me l'avaient proposé. Faublas, à mi-voix, à la baronne. À merveille. La comtesse, du même ton. Ceci n'est pas maladroit, je vous remercie. Le comte, à la baronne, se promenant dans l'appartement. Ces dames auraient bien fait si elles avaient fait comme vous. À la comtesse. Mais où donc est-il, ce monsieur ? La comtesse. Il dort. Le comte, regardant à travers les vitres du cabinet. Oui, vraiment. Le voilà sous le lit de camp. Il s'y est jeté tout habillé. La baronne. Ne le verrai-je pas ? Le comte. Si vous voulez le voir rentrer. Faublas, avec impétuosité. N'entrez pas. Il est excédé de fatigue. Il repose. La baronne, un peu étonnée. Mon Dieu, que de vivacité ! Mademoiselle, vous vous ferez mal. Faublas, avec une tranquillité feinte. Mais aussi, quelle idée d'aller déranger ce jeune homme qui a passé la nuit. La baronne, observant le chevalier. Est-il impossible d'approcher de lui sans faire de bruit et sans vous faire de la peine ? Faublas, d'une voix altérée. Il n'est pas question de moi. Mais si vous le réveillez, si... La baronne. Si je le réveille, il se rendormira, voilà tout le mal. Faublas, embarrassé. Voilà tout le mal, voilà tout le mal, voilà tout le mal. La baronne. Mademoiselle, vous direz tout ce que vous voudrez. Je suis très curieuse de voir votre intime amie, l'amie de votre enfance, que vous craignez si fort qu'on ne dérange. Elle se lève. La comtesse, d'un air malin. À quoi bon, vous le connaissez très bien. La baronne. Ah, je veux savoir s'il n'a pas beaucoup changé depuis que je ne l'ai vu. Elle s'approche du cabinet. Faublas bat à la comtesse. Arrêtez-la donc. La comtesse, bah, pourquoi ? Elle l'aime peut-être encore. Elle veut du moins avoir le plaisir de le regarder. Où est l'inconvénient ? Faublas, ne connaissez-vous pas la baronne ? Elle va faire une scène. La comtesse, « Eh bien, attends, je vais lui parler. » Elle court à Madame de Fontrose. « Entrez, regardez si cela vous fait plaisir, mais ne l'éveillez point, car il doit être là. » « Qu'on juge de ma situation. Il ne me reste pas une seule objection raisonnable à faire, et ma faiblesse me retient au lit. J'y suis piqué de 100 000 épingles. Déjà, la baronne est près de la porte vitrée, et j'ai peine à dissimuler mon inquiétude extrême. Quel heureux obstacle tout à coup me rassure. Le vicomte s'est enfermé dans le cabinet. La marquise est donc en sûreté. Non. Hélas, non, cette précaution ne la sauvera pas. Madame de Lignol vient de donner à Madame de Fontrose un passe-partout. » Dès que la baronne fut entrée, j'entendis ces mots. « Oui, cette figure est assez jolie, mais c'est justement celle que je connais. » « Non. Oui. Point du tout. Si, fait, c'est cela même. » « Eh bien, j'osais à peine le soupçonner. » L'aventure me paraissait trop incroyable. « Éveillez-vous, charmant jeune homme. Venez, monsieur le vicomte, venez un peu voir la compagnie. Allons, allons donc, je vais vous donner la main. » Ce fut le bras qu'elle lui donna, car Madame de B., dormant tout debout, se soutenait à peine. La marquise jette d'abord autour d'elle et sur elle un regard stupéfait. Quel objet a frappé sa vue? Est-ce un rêve qui la tourmente? Sa bouche murmure quelques mots sans suite, et fatiguée d'un premier effort, ses yeux se referment. Bientôt, pour la seconde fois, ses mains retombent et se promènent sur ses paupières appesanties qu'elles entr'ouvrent. Madame de B. peut de nouveau considérer le fantôme femelle dont la présence l'étonne. Enfin, elle a tout à fait repris l'usage de ses sens. Un dernier examen plus rapide l'assure qu'il n'est pas question d'un songe et qu'elle est réellement tombée dans les mains de sa plus mortelle ennemie. Au reste, il était moins malaisé de surprendre et d'attaquer Madame de B. que de l'intimider et de l'abattre. Ce fut elle qui commença le combat. Ce fut Madame de Fontrose qui reçut le premier coup. La marquise. « Quoique j'eusse besoin de repos plus que de visite, je suis, Madame la baronne, enchantée de vous voir. » La baronne. « Enchantée me paraît fort. Je crois que monsieur le vicomte exagère. » La marquise. « Madame est si modeste. » La baronne. « Monsieur est si poli. » La comtesse à la baronne. « Vous n'êtes pas, vous. Pourquoi l'avoir réveillé? Je vous avais prié. » « Madame, je vous avertis qu'il me déplairait que vous lui fissiez une scène chez moi. » La baronne, en riant. « Grondez-moi, je vous le conseille. » Cependant la marquise, étonnée de ce que la comtesse venait de dire, semblait, par ses regards, m'en demander l'explication. J'allais tout bas la lui donner. La baronne me prévint. La baronne, se jetant entre la marquise et Faublas. « Non pas, non pas, s'il vous plaît. Je ne doute pas que vous n'ayez bien des choses à vous dire, mais il faut parler tout haut. Eh bien, cela vous dérange? Allons donc, monsieur le vicomte, vous qui êtes plus ménager. » La marquise. « Madame va me le faire croire. Personne mieux qu'elle ne s'y connaît. Son suffrage en vaut 1000, sa longue expérience. » La baronne, d'une voix altérée. « Longue. Ne dirait-on pas que j'ai 100 ans ?» La marquise, jouant l'intérêt. « Ah, pardon, j'ai blessé, madame. » La baronne. « Blessée, point du tout. » La marquise, d'un ton railleur. « Si fait. Madame a reculé, madame a quitté la table pour s'occuper de la défense. Ah, que je suis fâchée. » La baronne. « Ne le soyez guère, car le mal n'est pas grand. » À Faublas. « Belle demoiselle, vous ne dites rien. » Faublas. « J'écoute, je souffre et j'attends. » La comtesse, vivement. « Et moi aussi, j'attends très impatiemment la fin de tout ceci. » Le comte. « Jusqu'à présent, moi, je n'entends pas grand-chose à la querelle. Ce que je vois, c'est que votre âme à tous est affectée. » La baronne, à la comtesse et à Faublas. « Ce combat vous fatigue. Prenez courage, il ne durera pas longtemps. » En montrant le vicomte. « Je suis persuadé que monsieur voudra bien le finir tout à l'heure, en nous disant adieu. » Le comte. « Enfin, j'y suis. Vous êtes de mon avis, c'est une amourette de la jeune personne. » La comtesse. « Madame, vous osez chez moi traiter de la sorte quelqu'un à qui j'ai les plus grandes obligations. » La baronne, en riant. « Les plus grandes obligations. » La comtesse, très étourdiment. « Oui, les plus grandes. Sans lui, tout Montargis. » Elle s'arrête. Le comte, avec curiosité. « Eh bien, tout Montargis ?» Faublas, vivement. « C'est tout Fontainebleau que madame veut dire. » La comtesse, embarrassée. « Oui, oui, tout Fontainebleau, tout Fontainebleau. » La marquise à la comtesse. « Bon, nous irions trouver des secours pour mademoiselle. Sans doute, il valait mieux quitter cette ville. Mais en vous donnant le conseil d'en sortir, je ne vous ai rendu qu'un très léger service. » La comtesse bat à la baronne, qu'il a de l'esprit. La baronne. « Oui, mais moi, comtesse, je veux, quoi que vous puissiez dire, m'acquérir des droits à votre éternelle reconnaissance. Je veux vous débarrasser de monsieur. » La comtesse. « Voilà un entêtement. » La baronne. « Ne vous fâchez pas. Tenez, je m'en rapporte au vicomte. Lui-même conviendra. » La comtesse. « Madame, votre conduite est étrange, inexcusable, et monsieur vous eût-il fait 50 infidélités ?» La baronne, riant. « Des infidélités, lui. » La comtesse. « Certainement. » La baronne. « Des infidélités, à moi, lui. » La comtesse. « Eh oui, lui, des infidélités à vous. Croyez-vous que j'ignore qu'il a été votre amant ?» La baronne. « Lui, mon amant. » Le comte. « Chut, ne parlons pas de ces choses-là. Je n'aime pas ces sortes de conversations. » La comtesse. « Monsieur, je vous admire. Il est bien question de ce que vous n'aimez pas. » La baronne. « Lui, mon amant, ah voilà une plaisante histoire. » En riant aux éclats. « Comtesse, apprenez-moi donc qui vous a dit. » « La petite Brumont, sans doute. » À Faublas. « Rusée demoiselle, quoi ? Vraiment ? Vous observez si peu les convenances ? Vous avez le courage de me faire un pareil cadeau ? Auriez-vous la force de répéter devant moi cette burlesque accusation ? » Faublas. « Pourquoi non, si vous m'y obligez ?» La baronne. « Bien répondu. Et vous, monsieur le vicomte, oserez-vous me le soutenir ? En vérité, pour que l'aventure soit tout à fait comique, il n'y manque que cela. » La marquise. « Madame, il y a des conquêtes qu'un jeune homme publie par vanité. Il y a des bonnes fortunes que, par pudeur, il n'avoue pas. C'est à vous de décider si je ne puis être indiscret. » La baronne. « Vraiment, je conçois que vous seriez dans un étrange embarras s'il vous fallait avouer toutes vos conquêtes. Sans compliments, je les crois déjà nombreuses. Vous êtes à Versailles en beau chemin. » Le comte. Et justement, c'est là que je l'aurais vu. La baronne. N'est-ce pas par les femmes que vous avez accès de crédit chez le ministre? Le comte, à mi-voix, la baronne. Oh, oh, mais s'il a du crédit chez le ministre, il ne faut pas lui parler comme vous le faites, il faut le ménager. La marquise. Tel ne croit pas à cela qui donne pourtant l'exemple d'y croire. Au reste, madame vient d'éluder ma question. Elle n'a pas osé décider si je devais être indiscret. La baronne, avec humeur. Je décide que vous le devez. La marquise. Vous y mettez de la modestie. Je vous récuse. Je demande qu'on recueille les voix. La baronne. J'y consens. Voyons, monsieur le comte, parlez d'abord. La marquise. Non, vous ne m'entendez pas. Quand il s'agit d'une accusée telle que vous, ce n'est point en petit comité que doit se faire la difficile enquête. Il faut, dans ce cas-là, interroger la cour, la ville et les provinces. La baronne. Ceci est trop impertinent. La comtesse. Vous méritez cela. Pourquoi l'avez-vous réveillé? Pourquoi voulez-vous le mettre à ma porte? La baronne à la comtesse. Au fond, je ne devrais pas me fâcher, car il y a de quoi rire. Ce qui pourrait me divertir beaucoup, c'est de voir que vous prenez parti pour eux contre moi. Cependant, il faut que cela finisse. Je suis attendu. Elle tire sa montre. L'heure me presse. « Monsieur le vicomte ne s'en irait pas à pied. Il est délicat, je le prie de me donner la main jusqu'à ma voiture. Ou il voudra bien accepter une place. Je m'engage à le reconduire jusqu'à Fontainebleau. Est-ce honnête, cela ?» La marquise. « Je suis très sensible aux offres tout à fait obligeantes de madame la baronne. Mais puisque madame la comtesse le permet, je reste ici. » La comtesse. « Vous avez raison. » La baronne à la comtesse. « Il a raison sans doute et vous faites bien de l'applaudir. » À la marquise. « Parlez-vous sérieusement ?» La marquise. « Très sérieusement. Je reste ici tant qu'il y aura du danger pour mademoiselle et tant que cela ne gênera pas, madame. » La baronne. « Et vous espérez que je vous y laisserai ?» La marquise. « Je ne vois pas du moins comment vous me forcerez d'en sortir. » La baronne, avec impétuosité. « Quelle audace ! Mais songez donc que pour cela je n'ai qu'un mot à dire. » La marquise, tranquillement. « Vous ne le direz pas. » La baronne. « Qui m'en empêchera ?» La marquise. Un peu de réflexion. Vous avez mon secret, je le sais bien. Mais regardez autour de vous et dites-moi quel avantage en retirerait ceux à qui vous pourriez le confier. La comtesse, bas, à Faublas. Qu'est-ce que cela signifie? Faublas, bas. Cela regarde ton mari. Je te mettrai au fait. La marquise, à la baronne, tout bas et d'un ton amical. La comtesse est une étourdie que sa petite fureur trahirait. Je vous demande grâce pour elle. La baronne, bas. Je trouverai moyen d'éloigner de Lignol. La marquise, haut. Je ne le crois pas. La baronne, avec la plus grande vivacité, très haut. Qui m'en empêchera donc? La marquise. Madame, mademoiselle et moi. La baronne. Monsieur le vicomte, sortons ensemble. La marquise. Non. La baronne. Je vais parler. La marquise. Je vous en défie. La baronne, étonnée. j'avais entendu prodigieusement vanter votre incomparable mérite. Mais la renommée, qui publie les faits galants dignes de mémoire et qui ordinairement exagère, la marquise, avec ironie, ne me flattez pas. Cette renommée-là ne vous a rien dit de moi. Vous savez bien qu'elle n'a plus le temps de parler de personne depuis que vous vous mêlez de lui donner de l'occupation. La marquise, du même ton. Cependant, elle trouve encore quelques moments pour causer de vous. Elle dit qu'après avoir tiré de la foule l'heureux objet de vos affections, la marquise, tiré de la foule, tant mieux pour ma maîtresse et pour moi. C'est un exemple que je donne à certaines femmes de ma connaissance. Celles-ci, quand elles prennent un amant, ne le tirent pas de la foule, elles l'y confondent. La baronne, avec emportement, ce n'est pas vous que l'on y confondra jamais. Vous qui vous distinguez par tant de talents divers, vous qui, suivant les circonstances, savez si bien changer, et de ton, et de caractère, et de conduite, et de nom, et de ce... La marquise, vivement, chute. Prenez garde, madame la baronne, vous n'êtes plus de sang-froid, vous allez dire quelque... En regardant la comtesse et Faublas, vous allez nous compromettre, prenez garde. Il est rarement dangereux de se taire, il y a souvent du péril à parler. La baronne, d'un ton plus calme, monsieur le comte, deux mots. La marquise à la comtesse. Croyez-moi, madame, empêchez cette confidence. La comtesse à monsieur de Lignol. Je ne veux pas que vous lui parliez. La baronne à la comtesse. Mais. La comtesse à la baronne. Vous ne lui parlerez pas. La baronne à monsieur de Lignol. En ce cas, je vous demande pardon. Mais il faut que je vous prie de vouloir bien nous laisser un moment. La marquise à la comtesse. Ne souffrez pas qu'il s'en aille. La comtesse à monsieur de Lignol. Je ne veux pas que vous en alliez. Le comte, à mi-voix, « Allez, allez, vous n'avez pas besoin de me le dire, rien ne m'échappe. Je vois bien, quoiqu'elle se contraigne, que la baronne a l'âme affectée. Et quant à ce jeune homme, puisqu'il a du crédit chez le ministre, je sens qu'il ne faut pas qu'il puisse se plaindre d'avoir été maltraité chez nous. Or, je connais le monde. Un homme, le maître de la maison surtout, en impose toujours. Tout haut. Je dois donc rester pour prévenir une scène. » La marquise, « Oui, restez. » La comtesse, « Restez. » Faublas, restez. La baronne, puisque tout le monde le veut, restez donc. Ceci devient très plaisant. Je serais de trop mauvaise humeur si je ne m'en amusais pas. Elle rit de toutes ses forces. Comtesse, donnez-moi la main. Donnez-moi la main, comtesse. On vous attrape et l'on me joue. Tous ensemble, expliquez-vous. Le comte, en se frottant les mains. Oui, je le soupçonnais confusément et je le disais à la comtesse, on l'attrape. À la baronne. Mais je ne serais pas fâché de savoir au juste comment. Expliquez-vous. La baronne. Vraiment, on sait très bien que je ne peux pas m'expliquer. Je reconnais qu'il faut temporiser. Allons, de la patience et du courage. Elle prend un siège. La marquise. Madame avait affaire, ce me semble. La baronne. La remarque n'est pas honnête, monsieur. Cependant, en faveur de votre embarras, je vous pardonne votre impolitesse. J'étais, je l'avoue, pressé de vous emmener avec moi. Mais puisqu'on ne peut se déterminer à vous laisser partir, je demande du moins qu'on me permette d'avoir le bonheur de rester avec vous. La comtesse, avec humeur, comme il vous plaira. La marquise à monsieur de Lignol. Monsieur ne se tiendra pas debout. Elle lui donne un siège. La baronne. Monsieur de Lignol ne remarque pas cet excès d'attention. Le comte. Au contraire, j'y suis très sensible. Il donne un siège à la marquise. Tous prennent place autour de mon lit. Et c'est une chose à voir que la contenance de chacun. La comtesse partage entre la marquise et moi ses soins affectueux. Si quelquefois elle paraît se souvenir que madame de Fontrose est là, c'est pour lui marquer son mécontentement par un geste boudeur ou par une monosyllabe désobligeant. Monsieur de Lignol néglige absolument la baronne. Toute l'attention du courtisan se porte sur monsieur de Florville, sur ce jeune homme qui a tant de crédit chez le ministre. Il s'en empare, il le caresse, il l'importune étrangement. Le vicomte reçoit avec modestie les remerciements de madame et presque avec dignité les avances de monsieur. À l'entière sécurité qu'il affecte, on dirait qu'il oublie ses dangers et son adversaire. Mais moins il semble y songer, plus je présume qu'il s'en occupe. De temps en temps, Florville jette sur la baronne un coup d'œil fier, impérieux, triomphant. Cependant, ne serait-il pas bien inconcevable que la marquise, s'exagérant ses avantages et s'aveuglant sur sa position, regarda comme entièrement battu l'ennemi qui n'a pas encore quitté le champ de bataille. Pour moi, guerrier timide, étonné du premier succès, je redoute le second choc. Si le grand courage de mon allié me rassure, l'infatigable opiniâtreté de son ennemi m'intimide. et baissant devant l'une et l'autre un front humilié, j'espère, je tremble, j'admire, j'observe en silence. Seule de son côté, la baronne s'amuse aux dépens de tous. Elle ne punit le comte qu'il abandonne impoliment, qu'en louant avec enthousiasme tout ce qu'il dit. Elle ne se venge de mes perfidies qu'en me lançant à la dérobée un regard à la fois improbateur et caressant, un regard qui semble en même temps m'apporter des félicitations et des reproches. Défendue par le témoignage de sa conscience et l'injuste courroux de la comtesse, elle oppose seulement de longs éclats de rire. Et quant au coup d'œil majestueux de sa superbe rivale, c'est par un sourire amer et menaçant qu'elle le repousse. Enfin, je la vois un instant se recueillir et méditer. Puis elle se lève, va dans le corridor, appelle un de ses gens, lui donne quelques ordres et rentre en disant assez haut « Que mon cocher se tienne prêt. » « Que son cocher se tienne prêt. » L'ai-je bien entendu? Ô mon bon génie, ô génie protecteur de la marquise, je te rends grâce, la victoire est à nous. » Puisque le comte le désire et que la baronne le permet, la conversation tombe sur un sujet cent fois rebattu. Monsieur de Lignol engage Florville à ne pas négliger les charades. Il lui fait un magnifique éloge des affections de l'âme et de l'âme d'un courtisan. Un quart d'heure s'est passé de la sorte. Voilà que tout à coup nous entendons un coup de fusil, tiré à quelque distance, et dans la cour du château quelqu'un s'écrie « Aux armes, aux braconniers !» Monsieur de Lignol, à ce cri de guerre, oublie les charades, le vicomte et la cour. Il se lève, il s'élance, il nous fuit. La comtesse, soit pour le calmer, soit pour le retenir, veut courir après lui. Madame de Fontrose l'en empêche et lui dit « Ce n'est rien qu'une ruse tout à l'heure imaginée pour éloigner votre mari malgré vous chasser votre rival. » La comtesse « Ma !» La baronne « Eh oui, malheureux enfant que vous êtes, vous vous laissez duper ainsi. Regardez donc ce prétendu jeune homme, à sa taille, à ses traits, pouvez-vous méconnaître une femme ?»« À son adresse, à sa perfidie surtout, à son inconcevable audace, pouvez-vous méconnaître ?» La comtesse. « La marquise de B, grand Dieu !» La marquise, à Faublas. « Mon ami, je vous quitte à regret, mais je saurai de vos nouvelles. » À madame de Fontrose, d'un ton menaçant, « Baronne, comptez sur ma reconnaissance et cependant respectez mon secret. Gardez-vous d'essayer de me compromettre en divulguant cette aventure. » À madame de Lignol. « Adieu, madame la comtesse. Si vous êtes assez raisonnable pour ne garder au vicomte de Florville aucun ressentiment, il vous promet de ne point révéler vos faiblesses à la marquise de B. » Elle sortit, suivie de la baronne. Pour se faire une idée juste des furieux transports de la comtesse, il ne suffirait pas d'être aussi violente, aussi emportée qu'elle. Il faudrait encore avoir brûlé d'un feu pareil à celui qui la dévorait. D'abord, l'excès d'étonnement suspendit l'excès de rage, mais le calme effrayant fut court et l'explosion terrible. Je vis madame de Lignol frissonner et pâlir. Tout son corps parut ensuite agité d'un mouvement convulsif, et soudain le col se gonfla, les lèvres tremblèrent, l'œil s'enflamma, le visage se colora d'un violet pourpre. La pauvre enfant voulut crier et ne fit entendre que de sourds gémissements. Ses pieds frappèrent le carreau, son faible poignet se meurtrit sur les meubles. Elle s'arracha les cheveux, elle osa porter une main sacrilège sur sa figure charmante, d'où le sang s'échappa bientôt par plusieurs égratignures. Quel malheur pour elle et pour moi! Je n'ai pu prévoir ce cruel effet de son désespoir. Épuisé que je suis, je trouve pourtant la force d'abandonner mon lit. J'essaie de me traîner jusqu'auprès d'elle. L'infortunée ne m'aperçoit seulement pas. Elle s'est élancée vers la porte et d'une voix étouffée. « Qu'on me la ramène » dit-elle. « Que je me venge, que je la déchire, que je la tue !»« Éléonore, ma chère Éléonore !» Elle m'entend, se retourne et me voit au milieu de l'appartement. Hors d'elle-même, elle accourt. « Tu veux la suivre ? Eh bien, va donc, perfide, et que je ne te revoie jamais. Qui peut te retenir encore ? Elle t'attend. Elle attend le prix de ses scélératesses. Va jouir avec elle de ma honte, de ton ingratitude et de son infamie. Va, cours. Mais songe bien que si je puis vous trouver ensemble, je vous immole tous deux. » Elle avait saisi mon bras qu'elle secouait de toutes ses forces. Je tombai sur mes genoux et sur mes mains. Un cri lui échappa. Ce n'était plus un cri de fureur. Déjà, la colère avait fait place à la crainte. « Éléonore, comment peux-tu penser qu'en cet état je songe à la suivre ? Je voulais aller jusqu'à toi, mon ami. Je voulais me justifier, te demander pardon, essayer de te consoler. « Éléonore, écoutez-moi, calmez-vous. Je vous en supplie. Surtout, pour l'amour de moi, pour l'amour de toi-même, épargne tant de charme, épargne cette peau fine et blanche, et ces petites mains si douces, et cette longue chevelure, et ce visage plein d'attrait. Oh, toi que l'amour fit exprès si joli, garde-toi d'altérer l'un de ses plus charmants ouvrages. Respecte Milapa formée pour ses caresses et ses délicieux plaisirs. » Quand on a, par malheur, fâché sa maîtresse, il faut chercher à l'apaiser tout de suite. Et quiconque se sent cette occurrence incapable d'agir, doit au moins parler. On doit, ne pouvant mieux faire, suppléer aux vives caresses par les éloges passionnés, et prêter au discours flatteur toute la chaleur qu'il eût mise dans l'action consolatrice. Voilà ce que l'amour ordinairement conseille et ce qu'il m'inspira. Que ce fût seulement cela qui calma la comtesse, je ne saurais l'affirmer positivement. Il me paraît aussi très plausible que la crainte, après avoir chassé la colère, amena la compassion et que ma sensible amie, touchée de ma situation plus que de mes paroles, oublia ses injures en voyant mes dangers. Quoi qu'il en soit, si je doutais de la cause, je ne pus douter de l'effet. Madame de Lignol me releva, me soutint, me fit rentrer dans mon lit. Puis, s'étant assise auprès, elle se pencha sur moi et se cacha le visage dans mon sein qu'elle arrosa de ses larmes. Au bruit que fit Madame de Fontrose en rentrant, la comtesse changea d'attitude. « Eh bon Dieu, comme la voilà faite !» s'écria son amie. Puis, en lui promenant un mouchoir sur la figure, elle ajouta « Madame, je vous l'ai dit 100 fois, une jolie femme peut, dans son désespoir, pleurer, gémir, crier, gronder ses gens, tourmenter ses femmes, quereller son amant et désespérer son mari. Mais elle doit toujours, se respectant elle-même, ménager sa personne et surtout son visage. Cependant, je l'aurais gagé que dans un premier mouvement, vous feriez quelque enfantillage. Je ne pouvais rester près de vous. Cette Madame de B. qu'est-elle devenue ? Demanda Madame de Lignol. Elle a noblement refusé mon carrosse, dont elle n'avait pas besoin. Le commode vicomte s'était tout à fait établi chez vous. Il avait dans votre office un laquais, sans livrée bien entendu, et 2 chevaux dans votre écurie. « Quelle femme ! » s'écria la comtesse avec une extrême vivacité. « Que d'audace dans sa conduite ! Et dans ses discours, que d'impudence ! Je la trouve à Compiègne. Elle me dit qu'elle est un parent du marquis de B. Et vous aussi, monsieur, vous me l'avez fait croire. Vous m'avez indignement trompé. Qui venait-elle faire à Compiègne ? Répondez ! Vous ne dites mot. Vous êtes un traître. Allez-vous-en, sortez d'ici, sortez tout à l'heure. J'ai la bonté de les croire. Elle nous poursuit sur la route, elle nous joint à Montargis, elle me trouve. En quel état, grand Dieu ! J'en verserai toute ma vie des pleurs de honte et de rage. Ce qui me désespère surtout, c'est d'être obligé de reconnaître que si je fusse arrivé quelques moments plus tard, oui, quelques moments plus tard, c'était moi qui surprenais mon indigne rival dans les bras d'un perfide. Je suis sûr que pendant mon sommeil, oui, j'en suis sûr, mais j'en attends l'aveu de votre propre bouche, je l'exige. J'aime mieux ne pouvoir plus douter de mon malheur que de rester dans la plus affreuse des incertitudes. Poblas, dis ce que vous avez fait ensemble. Tiens, si tu l'avoues, je te pardonne. Convenez-en, monsieur, convenez-en, ou je vous donne votre congé. Oui, c'est un parti pris, je vous renvoie, je vous chasse. Pourquoi donc la chasser ? Dit monsieur de Lignol en entrant. Il ne faut pas. Je suis même très fâché d'être sorti, car vous avez renvoyé le vicomte. « Le vicomte, monsieur, je vous déclare une fois pour toutes qu'il ne faut jamais prononcer son nom devant moi. »« Eh mais madame, qu'avez-vous donc, votre visage ?»« Mon visage est à moi, monsieur. J'en puis faire tout ce qu'il me plaît. Mêlez-vous de vos affaires. »« À la bonne heure. Je me repens d'avoir quitté cet appartement. On a profité de mon absence. » »« La baronne. Elle n'a pas été longue. Le braconnier s'est laissé prendre beaucoup plus tôt que je ne l'espérais. » »« La comtesse à Faublas. Pourquoi ne pas avouer ?» Faublas. Mais je vous jure qu'il n'en est rien. La comtesse. Convenez-en ou je vous renvoie. Le comte à Faublas. Eh bien, convenez-en, donnez à madame cette satisfaction. Qu'est-ce que cela vous coûte? La baronne au comte en riant. Savez-vous de quoi vous voulez que mademoiselle convienne? Le comte. Mais que le vicomte est un très aimable jeune homme, apparemment. La baronne. Apparemment. Que voulez-vous dire? Le comte. Comment? N'est-ce pas clair? Je veux dire qu'apparemment mademoiselle trouve le vicomte fort aimable. À la comtesse. Et réflexion faite, il n'y a pas de quoi la renvoyer. La comtesse à son mari. Pour Dieu, laissez-moi tranquille, ou je dirai quelques sottises. À Faublas, convenez-en. Le comte, à Faublas. Oh, je vous en prie, convenez-en. Tenez, nous en convenons tous. Dites-le de ma part au vicomte et ne manquez pas d'ajouter que son départ m'a causé bien du regret. Assurez-le qu'il nous fera toujours un sensible plaisir quand il voudra bien nous venir voir, soit à Paris, soit... La comtesse. S'il n'ose jamais se montrer chez moi, je le ferai mettre à la porte par les valets. Le comte. Je ne vous conçois pas. Tout à l'heure, vous épousiez sa querelle avec une chaleur. Soyez au moins d'accord avec vous-même. La comtesse. Mais vous-même, monsieur, vous qui parlez, il n'y a pas une heure que vous étiez d'un avis contraire. Le comte. Depuis une heure, tout est bien changé. La baronne. Oh oui. Le comte à la baronne. N'est-il pas vrai, madame ? Vous avez quelque expérience du monde, vous, et je parie que vous devinez les raisons qui me font voir tout ceci d'un autre œil. À mi-voix. D'abord, je croyais que M. de Florville, quoique d'une assez bonne famille, n'avait dans le monde, comme la plupart des jeunes gens de son âge, qu'une très petite existence. Or, je ne voyais pas à quoi cet attachement de Mlle de Brumont pouvait la conduire. Je n'entre point dans vos petits démêlés. Je ne me mêle pas de querelles de femmes. Il ne m'appartient pas même d'examiner si les moyens que ce jeune homme emploie à son avancement sont très délicats. L'essentiel est qu'il soit très puissant. Assez haut. Or, il me semble que de ce côté-là, M. de Florville n'a rien à désirer. Il me semble que, favorisé de la nature comme il l'est, et placé de manière à faire valoir ses avantages, il doit aller vite et loin. Voilà donc une connaissance très précieuse pour Mlle de Brumont, qui doit songer à créer sa fortune, et pour moi qui suis pressé d'augmenter la mienne. La comtesse, avec emportement. Monsieur, allez vous et tous vos calculs à tous les... Je suis hors de moi. Monsieur, je vous répète que je ne veux jamais entendre parler de cette... La baronne, l'interrompant très vite. Impertinente créature. Au comte. Voilà comment maintenant elle le traite. Le comte à la baronne. Vraiment, c'est votre faute et je me repens bien de m'être absenté. À mi-voix. Pour revenir à mes projets, vous savez qu'à Versailles, il faut aller sans cesse sollicitant. La comtesse se lève furieuse. Monsieur, vous avez votre appartement, ayez la bonté de me laisser tranquille dans le mien. La baronne au comte. Oui, nous sommes mal ici. On nous interrompt à chaque instant. Allons ailleurs. Le comte. À la bonne heure, je le veux bien, parce qu'à vous, madame, on peut vous parler raison. Mais attendez. La comtesse à Faublas. Convenez-en. Le comte à la comtesse et à Faublas. Je veux, avant de m'en aller, vous donner à chacun un bon conseil. Vous, mademoiselle, convenez-en. Car si cela n'est pas, cela doit être, et nous le croyons. Et il faudra toujours que vous finissiez par là. Vous, madame, qu'elle en convienne ou qu'elle n'en convienne pas, ne renvoyez pas votre demoiselle de compagnie, car je connais les affections de votre âme. Une heure après, vous en seriez désolé. Quant au vicomte, je ne vous en parlerai plus, mais je m'en charge. Nous restâmes seuls. Madame de Lignol s'obstinait toujours à m'arracher l'aveu de ma prétendue faute. Et moi, persuadé qu'un mensonge n'était ici rien moins que nécessaire, je persistais à soutenir la vérité. Désolé pourtant de voir mes protestations perdues, je fis un dernier effort que le succès couronna. Mon ami, je te le répète et je te le jure, rarement je songe à la marquise, depuis que je songe toujours à toi. Depuis que tu m'appartiens, Madame de B ne m'appartient plus. Ne le crois pas, garde-toi de le croire. Tiens, mon adorable ami, tiens, je voudrais qu'il me fût permis d'aller avec Éléonore, loin de toute autre séduction, passer ma vie dans la chaumière relevée pour le vieux Duval par la comtesse de Lignol. Bah, cesse de te plaindre et de me soupçonner, cesse de redouter une trop faible rivale. Je l'estime, mais je te respecte. Je lui conserve un reste d'amitié, mais je te garde le plus tendre amour. Il est vrai qu'autrefois, près d'elle, j'ai goûté quelques doux instants, mais depuis, j'ai trouvé près de toi ces jours délicieux. Enfin, Madame de B, maintenant, m'offrirait peut-être encore des plaisirs, mais toi, mon Éléonore, tu me donneras le bonheur. Fort bien, dit la comtesse en se jetant à mon cou. Voilà comment il fallait parler d'abord. Tu m'aurais aussitôt persuadé. Puisque tu m'aimes, et que tu ne l'aimes pas, je suis contente. Puisque tu ne m'as pas fait avec elle une infidélité, je te pardonne tout le reste. Et moi, je ne vous pardonne point. Vous n'avez pas ménagé mon bien, le meilleur de mon bien. Vous vous êtes arraché le visage. Vas-tu pour cela ne pas m'aimer autant? Tu aurais tort. Je suis moins jolie, mais plus intéressante. Je ne veux point de cet intérêt-là. Promettez qu'il ne vous arrivera jamais de vous porter à de pareils excès. Mais toi, Faublas, promets de ne plus me donner aucun sujet de colère. Ah, sur mon honneur. Eh bien, dit-elle en riant, Vois comme je suis bonne. Je m'engage à ne plus me fâcher. » Le comte, en ce moment, rentrait, il s'écria. « Dieu soit loué, elle en est convenue. »« Elle en est convenue, » répéta la baronne avec étonnement. « Point du tout, » répondit la comtesse, qui frappa ses petites mains l'une contre l'autre et fit un saut de joie. « Comment ?» reprit monsieur de Lignol. « Et vous êtes de si belle humeur ?»« Justement parce qu'elle n'en est pas convenue, » répliqua l'étourdi. « Voilà, » s'écria le profond observateur, « une chose qui me passe. J'en déduirai du moins la vérité de ce principe, que l'âme d'une femme est inexplicable dans ses caprices. » « Moi, » dit madame de Fontrose, « je n'en déduirai rien. Mais je m'en vais tranquille et contente. »